Cette tragédie s'irise un mirliflore. Un cœur en chlore lors de Pandore. La mandragore songe à l'Athanor. Lors des sorts d'un trésor formatator. Syllabe d'une rose sans alibi, assujettie à la soierie des cieux qui rit. Hélas, flétrie, l'âme nie ses mille manies. Pyromanie stellaire, qu'espère cette sorcellerie? Rêvasserie ainsi séduite du folklore carnivore. Que dort ce corridor céleste, douce Styx sort.